Gens, MC Ricta, DMO, RAD lors du silence, noblesse à la prod. Ton rap est éphémère comme la Grèce, champion d'Europe. Tu serais ton paddy, vas-y change ta garde-robe. Au top du move, on surgit, pète les radars. A chaque apparition, rien que tes regards à gare. Hagla verbal, authentique, remise à l'heure, un son de barge. 75 dans le humeur, alors les gars, il paraît que ça veut clasher dans ce rap de merde. Trop de bouffons, mètre carré, moi c'est RAD, rap à pure souche. Dans ce beat, je veux peser comme les partouches. Mentalité de manouche, prêt à tout pour le pécule. Et belle écran frais, photo ridicule. Ghetto capital, Paris de France. Et pour les rouges tard, je rêve de délivrance. Encore un 16 mesures, en guise d'attentat. Constamment placé, depuis le placenta. On débarque au mic, Paname et sa banlieue. Si tu croises un port comme Le Pen, vas-y prends-le. 75-17ème, 92 ans, scène. Nos rap alimentent l'économie souterraine. On débarque au mic, Paname et sa banlieue. Si tu croises un port comme Le Pen, vas-y prends-le. 75-17ème, 92 ans, scène. Nos rap alimentent l'économie souterraine. Démo, encore tu vénères dans le flow. Hardcore dans les nerfs, passe par les airs. T'as le fléau, je te fais pas l'histoire des Airbus. T'as compris l'absus, v'là le niveau du virus. Et pour là c'est la même, Démo, Miss Dawa. Ici c'est la guerre, sonore, génocide. Épaulé par la haine, corps lucide. Corde vocale, art lyrical, des rimes en rafale. Rien que les crâneurs raffolent, ça fait mal sur la foule. J'débarque, fais sursauter comme la foudre. Les forces de l'ordre et les barouses. Tu connais mon époque, génération, rien à foutre. Toujours un bloc, révolution dans la bouche. Nous aussi, on a le dos ton nuancé. Toi, t'as la matraque à saigner. On te répond par du rap à la rage ciblée. Rap tout terrain, prêt à tout baiser. On débarque au mic, Paname et sa banlieue. Si tu croises un port comme Le Pen, vas-y prends-le. 75-17ème, 92 ans, scène. Nos rap alimentent l'économie souterraine. On débarque au mic, Paname et sa banlieue. Si tu croises un port comme Le Pen, vas-y prends-le. 75-17ème, 92 ans, scène. Nos rap alimentent l'économie souterraine. J'arrive du sous-sol, ça sort des caves. C'est le rap d'Ar Lidl, sponsorisé par la CAF. Mon taf c'est écrire, chanter mes coups de blues. On débarque en indé, t'inquiète son coup de pouce. Et coup de pouce, trop de mythos, MC joueur de flûte. Rares sont ceux qui ont percé, sont baissés leur flûte. Sont bruts, j'débarque comme les colons dans nos terres. J'oublie pas le passé, jusqu'à ce que l'homme enterre. J'déterre ma hache, toujours paré pour la guerre. Sur le rap français j'marche, ma plume recrache éclair. C'est clair, je me pose, avec un style libre. Les jaloux te poussent à en perdre l'équilibre. Un calibre dans la bouche, et bah vas-y barre-toi. D'où je viens, c'est 51 divisé par 3. Même si Ricta, pour ceux qui ne savent pas, 17ème jonquille R, ghetto ghetto sage pas. On débarque au mic, Paname et sa banlieue. Si tu croises un port comme Le Pen, vas-y prends-le. 75-17ème, 92 ans, scène. Nos rap alimentent l'économie souterraine. On débarque au mic, Paname et sa banlieue. Si tu croises un port comme Le Pen, vas-y prends-le. 75-17ème, 92 ans, scène. Nos rap alimentent l'économie souterraine. On débarque au mic, Paname et sa banlieue. Si tu croises un port comme Le Pen, vas-y prends-le. 75-17ème, 92 ans, scène. Nos rap alimentent l'économie souterraine. On débarque au mic, Paname et sa banlieue. Si tu croises un port comme Le Pen, vas-y prends-le. 75-17ème, 92 ans, scène. Nos rap alimentent l'économie souterraine.